قال مسألة لا يجوز الخروج على الأئمة يعني الحكام إلا بشروط. Il n'est pas permis de se révolter contre le gouverneur sans certaines conditions. طيب طبعا هناك من يقول بعدم الخروج مطلقا. Il y a des savants qui voient qu'il n'est pas permis de sortir contre le hakim et ceci d'une manière globale, même si les conditions sont présentes ou pas. Non. Et celui qui m'a écrit, qui a tapé la risala, comme je vous avais dit au début, c'est un frère qui a un niveau de Meshaykh al-Sunnah, le Yémen, ou Mohamed al-Siwari. فأفادني كما ترون في الأخير قال يا جبريل الحافظ ابن حجر نقل أن الإجماع استقر عند أهل السنة على عدم الخروج ذكر ذلك في فتح الباري ونقله غير واحد. يعني lui voulait me faire comprendre qu'on voit cette masala, en vérité ça sert à rien d'évoquer les conditions puisque il y a un ijma', un consensus sur le fait qu'il est interdit de sortir sur le gouverneur de manière mutlaqa. طيب مع ذلك et ce malgré qu'il يعني c'est un bon conseil ولله الحمد جزا الله خيرا لكن الحديث le hadith sur lequel tout le monde se base يدل على غير هذا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواح ليس أو كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان. طيب. المهم ça c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez mieux la مسألة. طيب. Donc on évoque les شروط et ces شروط là qu'on a évoqué, vous allez les trouver dans Sharh al-Tahawi. Ma dakart. Al-Muhim. Azkur lakum al-Kalam, thumma ba'den. Sa'akul lakum fi ayi kitab. الحديث اللي هذا الحديث في أبو داود أو ابن ماجه هذا تفضل إيه ما كتبت أظن يعني نرجع سنراجع ونخبركم. طيب ونسيت أن أسأل السؤال الذي ذكرتني أمس. الله عليك. من جبل للشروط لا. سنورام ما يمتزج شروط. نعم. من كمان يجمع سنورام ما يمتزج شروط سورة بارميزون. إيه نعم. فهذا يدل على أن ثم جوني على ذي فعل الشيخ مقبل qui montre bien que المسألة فيها خلاف وليست كما نقله الحافظ ابن حجر أنه إجماع. نعم. وأنتم تعرفون أن عبد الله ابن زبير خرج عن طاعة الحاكم في أيامه وحصل ما حصل وبعضهم قالوا أنه مخطئ وهو كان مخطئا في ذلك لكن مسألة الخروج مسألة خلافية. Donc la première des conditions, an yaqa'a min al-hakim kufran bawah, ay kufran ou kufran wadihun la lubsa fihi, kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allahi fihi burhan. Fa hadha al-kufr mawsuf bi thalathati awsaf. Awalan kufr, ثانيا بواح ليس ثانيا بواح ليس لواح كما مكتوب هنا. ثانيا بواح ثالثا عندكم فيه من الله برهان. دونك لا le premier des choses c'est qu'on on voit et on constate une mécréance claire qu'a commis le hakim. Quand on dit une mécréance claire, c'est comme dans le hadith où le prophète sallam dit excepté si vous voyez une mécréance claire dont vous avez une preuve venant d'Allah azza wa jalla. Donc le prophète sallam il a qualifié ce couvre de trois sifat. Il a qualifié cette action de trois qualification. Awalan, c'est du kufr. Il faut qu'on voie du kufr. Thaniyan, bawah. Yani wadih. Thalithan, mada, indakum fihi min Allahi burhan. C'est-à-dire que vous avez de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une preuve. Yani, en gros, il veut te faire comprendre qu'il faut que ça soit du kufr pur et que tu aies toutes les. Que tu aies analysé toutes les conditions pour le kafar. Et qu'elles soient toutes présentes et que tous les interdits, les mawani, ils soient tous absents. Le terme bawah, je ne sais pas. Bawah, wadih. Tamam. Tayyib. Fa idha kanat al mas'ala iltabasa. فإذا كانت المسألة التبس يراد من أجلها الخروج طيب فإذا كانت المسألة التي فإذا كانت المسألة التي يراد بها أو من أجلها الخروج فيها الله يبارك فيك فيها لبس فيها لبس أو شك أو اختلاف أو خلاف أحسن أو خلاف أو خلاف فلا يجوز الخروج والحالة هذه. Donc si le point qu'on reproche au hakim, il y a un quelconque loups, ambiguïté, une quelconque ambiguïté, ou un quelconque doute, ou une quelconque divergence entre les savants sur le jugement, فَلَا يَجُوزْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. Donc dans ces conditions, il est interdit de sortir, de se rebeller contre lui. بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا بَوَاحًا واضحا صريحا لا لبس فيه عندكم من الله فيه برهان. Donc c'est la première des conditions. Ça s'apprend par cœur. حفظ. Première des conditions, أن يكون الكفر هذا واضح. يعني عندكم فيه من الله برهان. طيب. ثانيا أن يوجد أو أن يوجد البديل. البديل. أن يوجد البديل بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر ويولوا بدلا منه مسلما صالحا. Donc la deuxième des conditions c'est que on trouve quelqu'un pour le remplacer ce hakim. Et on ne le remplace pas par quelqu'un qui est pareil que lui. Kafir. Mithla. On se doit de remplacer par quelqu'un qui est musulman, salih. Ida amka. Si c'est possible, un homme pieux. Naam. Taïb. Wa amma ida uzil al kafir. Wa ata badalu bi kafir. وأوتي بدله بكافر فلم يحصل المقصود. Donc si on le remplace pour faire venir un mécréant comme le premier, فلم يحصل المقصود. On n'aura pas atteint le but. Wa alaykoum salam. On n'aura pas atteint le but visé. طيب ثالثا وكذلك القدرة على الخروج. أما إذا لم تكن قدرة على الخروج فلا يشرع الخروج. Et troisième condition, c'est qu'on ait la capacité de se révolter. Et quand on dit la capacité, en vérité, c'est qu'on ait la capacité de faire changer ce dirigeant par un autre sans que le sang des musulmans ne soit versé. C'est ça la capacité. Ah, mais si ça fait un bain de sang ou la fait wasat al muslimin, fala la yu'add dhalika qudratan. طيب وقيل كذلك إذا كانت المصلحة راجحة على المفسدة. طيب donc toutes ces شروط là vous allez les trouver dans le charh de Tahawiyya, le Cheikh Al-Rajihi. Le Cheikh Al-Rajihi. Dans son livre, charh Tahawiyya, Al-Rajihi. Les trois premières conditions, là, vous allez les trouver dans son livre. Et ensuite, on avait rajouté Waqil, Kadalik, Ida Kanatil Maslaha, Rajihatun Al-Mafsada. Et si toutefois, il y a aussi. Il faut aussi prendre en considération la maslaha ainsi que la mafsada. Si tu sais ou tu penses que le fait de sortir contre ce gouverneur, ça va susciter encore plus de tort, malgré que tu as vu de lui un kofr bawah, malgré que tu es le remplaçant, et malgré que tu aies la capacité, tu sens que ça va faire un trouble plus grand. Alors là, tu te dois de ne pas sortir contre lui. طيب وهناك أضفنا هذه الفائدة فائدة سئل العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله عن الخروج على الحاكم فقال الخروج على الحكام جمهور أهل السنة لا يجيزونه انظروا الشيخ مقبل يقول جمهور أهل السنة la plupart des savants d'Ahl Sunnah وما قال الإجماع La plupart des savants ne le permettent pas. Et parmi eux, il y en a qui le permettent. Et Donc, Cheikh Moubil dit, mais l'avis est juste, c'est qu'il n'est pas permis de sortir al-khuruj al-hakam. لما يترتب عليه من سفك دماء المسلمين en fonction de ce que ça la comprend comme comme mort comme perte de مسلمين وسفك دمائهم. طيب ثم قال ثم سئل مرة أخرى وقيل له إن أحمد ابن نصر أو ابن نطر المهم يتأكد إن أحمد بن نصر الخزاعي خرج على الحاكم فكيف تقولون لا يجوز الخروج على الحاكم on a posé la question à عليكم السلام on a posé la question à comment s'appelle à Cheikh Mourbel en lui disant certes Ahmed ibn Nasr al-Khuzai qui fait partie des salaf Il est sorti contre le gouverneur à son époque. Alors comment vous prétendez que ce n'est pas permis de sortir contre le gouverneur ? Cheikh Mourbi lui répond قال رحمه الله نعم خرج وما هي النتيجة Et Cheikh Mourbi lui dit نعم هذا Ahmed ou Hamad Al-Khuzai il est sorti contre le gouverneur. Et quel a été le résultat ? وما هي النتيجة؟ أن قتل وبقي الباب على ما هو عليه. N'a-t-il pas été tué et la porte est restée dans l'état où elle était? C'est-à-dire il a rien changé. Le fait qu'il est sorti contre le gouverneur, ça n'a rien changé. Non. Juste il a été tué. ثم قال والإمام أحمد ما خرج على الحاكم ونصر الله السنة على يده. Et ensuite il dit, Cheikh Mokbel, et l'imam Ahmed, il n'est pas sorti contre le gouverneur. Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a secouru la sunna de par sa cause. وقال في موضع آخر سبيل الخروج. Et dans un autre endroit, Cheikh Mokbel, il dit سبيل الخروج على الحاكم الكافر إذا وجد نحو ثلثين تحت الاستعداد للقتال في سبيل الله. Et dans une autre parole de Cheikh Mokbel que vous allez trouver dans son kitab Al Ajwiba Al Sadida fi Fatwa Al Aqida. Il dit le chemin pour sortir contre le gouverneur qui est mécréant doit comprendre que ceux qui sortent contre le gouverneur, il doit y avoir au moins deux tiers, c'est-à-dire du peuple prêt à combattre. Deux tiers du peuple. De manière à ce que ça soit un khuruj contre le hakim rapide. وَلَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ. Donc avec cette dernière parole de Cheikh Mokbel, on comprend que malgré qu'il ne voyait pas le khuruj, à certains moments donnés, il a vu que il pouvait être fait. نعم. و المسألة بما فيه وقت الأذان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بعد الدرس نواصل. الله أكبر الله أكبر.